Marco Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. La commission onusienne d'enquête sur le Burundi appelle la communauté internationale à la vigilance pendant la préparation des élections de 2020. Déclaration du président de cette commission ce mardi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et la MISOM devrait avoir quitté la Somalie au mois de décembre 2021 pour laisser place à l'armée somalienne. Cette date a été fixée par les Nations Unies dans une déclaration de ce 3 juillet. Le représentant spécial de l'Union africaine en Somalie a précisé que depuis fin avril 2018, un plan de transition pour la Somalie a été approuvé. Et la commission d'organisation du concours national édition 2019 a prévu ce jeudi la remise des copies roses des résultats dans toutes les provinces, du pays. Deo Gracias Niniwuka, que vous entendrez dans ce journal, il est président de cette commission. Il a indiqué qu'à partir de ce vendredi, il y aura la remise des résultats aux écoles. Et puis, toujours dans l'actualité, deux individus, un homme et une femme, portant des tenues policières et militaires arrêtés par la police au début de cette semaine, ont été montrés à la presse ce jeudi. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bonjour, la commission d'organisation du concours national édition 2019 a prévu ce jeudi la remise des copies roses des résultats dans toutes les provinces. Deo Gracias Niniwuka, président de cette commission, a indiqué qu'à partir de ce vendredi, il y aura la remise des résultats aux écoles. Il ajoute que la date de recours est prévue du 8 au 13 juillet. Suivez Deo Gracias Niniwuka. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a pris l'initiative de faire la remise des copies roses des résultats au DPFTP, c'est-à-dire les directions provinciales de l'enseignement. Vous voudrez bien nous excuser pour cet élément qui n'a pas été bien préparé. En bref, un corps a été repêché ce mercredi dans la rivière Nyabiho, dans la commune Gitaramuka de la province Karusi. La police déclare que le corps était ligoté et les bras et les jambes emballés dans une moustiquaire avec des pierres. Elle dit que la victime serait un homme d'une quarantaine d'années, et aurait été tué avant d'être jeté dans cette rivière. L'administrateur a décidé l'enterrement de ce corps sur place et le même jour et explique que le corps n'a pas été identifié et qu'il commençait à se décomposer. Et la rivière Kanyosha, traversant la mairie de Bujumbura, est couverte d'immondices sur tous ses berges. À quelques mètres de la route Bujumbura-Rumonge, des habitants environnant cette rivière estiment que ces immondices proviendraient des ménages se trouvant dans les parages à cause des associations chargées de collecter ces immondices qui ne sont plus à l'œuvre. Ces habitants demandent au gouvernement d'intervenir. Vestine et Boutoui. Sur les berges de cette rivière de Kanyosha, séparant la zone Moussaga de la zone Kanyosha, il s'observe des tas d'immondices. De plus, dans l'eau de la dite rivière, on y voit des déchets de diverses natures, mais cela n'empêche qu'il y ait des enfants qui s'y baignent et des mamans qui lavent des ustensiles de cuisine avec cette eau. Des riverains de cette localité disent que ces immondices proviendraient des ménages environnants à cause des associations qui s'occupaient d'hygiène, mais qui ne sont plus actuellement fonctionnels. Ces habitants craignent que les maladies d'amas sales, entre autres le choléra et la diarrhée et autres, puissent les anéantir s'ils ne sont pas assistés au moment opportun. Ces riverains de la rivière Kanyosha demandent aux autorités habilitées d'enlever ces immondices sur toutes les berges de la dite rivière afin de protéger cette population contre des éventuelles maladies. Merci Vestine Boutoui. Contacté à ce propos, l'administrateur de la colline Moua, de la commune Moua, a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. On parle sécurité. Deux individus, un homme et une femme, portant des tenues policières et militaires, arrêtés par la police au début de cette semaine, ont été montrés à la presse jeudi. L'une est originaire de la commune Ngagara et l'autre de la commune Bgiza. Pierre Ngurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, rappelle que de telles tenues sont réservées aux forces de sécurité. Les deux personnes que vous venez de voir en tenue policière pour la première personne et militaire pour la deuxième personne, la femme là, ne sont ni policiers ni militaires. Ce sont des civils qui se sont procurés toutes ces tenues et qui ont été appréhendés le premier à Ngagara, ici à mairie de Bujumbura. C'est la femme, c'était le 1er juillet. La deuxième personne, l'homme, c'était ici à Brisa, c'était hier le 3 juillet. Elle a été appréhendée en tenue policière. Pour la deuxième personne, l'homme, vous avez constaté qu'il avait une bouteille d'une boisson qui semblerait du vin de banane, mais la police soupçonne que ce soit un produit qui contient des produits somnifères. Il voulait les donner aux policiers pour qu'ils perdent des connaissances, probablement pour qu'ils puissent voler dans une maison de change à Brise. Tandis que pour la première personne, la femme, elle ne portait rien que cette tenue-là. Maintenant, l'enquête a commencé et pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils ont pu voir cette tenue et afin de pouvoir confectionner un dossier pénal et relatif et de les traduire devant la justice parce que les effets militaires et policiers, tous les équipements qui sont donnés à ces corps-là, aux membres de ces corps, peuvent pas être donnés à qui d'autre et en particulier les civils. Nous voudrions alors interpeller tout le monde ici et en particulier la population en général et les membres des comités mixtes de sécurité en particulier et même les forces de défense et de sécurité pour qu'ils soient plus vigilants que lorsqu'ils constatent qu'il y a une personne qui porte des tenues militaires ou policières sans que cette personne soit membre de ce corps pour qu'ils alertent la police immédiatement. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngurikiye. Pénurie d'essence sur les 10 stations-service que compte la commune de Rumonge depuis ce mercredi. Pénurie donc depuis ce mercredi. Certains parmi les motards de Rumonge ont déjà revu à la hausse de 500 francs burundais le ticket de transport. D'autres qui n'ont pas été servis ce mercredi remettent un à un les motos à leurs propriétaires, expliquant qu'il est même difficile d'en trouver au marché noir à 3500 francs burundais le litre. Jean-Pierre Misago. La récente distribution d'essence dans la ville de Rumonge et ses environs date de ce mercredi à la station Interpétrole ex-Engen. Cette station venait en effet d'être approvisionnée en essence et la distribution de 5000 litres d'essence n'a duré que le temps de l'arroser. Certains des motards ont déjà revu à la hausse de 500 francs burundais le prix du ticket de transport, arguant qu'ils se rabattent au marché noir où le litre d'essence s'achète à 3500 francs burundais et même plus s'ils parviennent à l'avoir. D'autres qui n'ont pas été servis au mercredi et qui ont manqué l'essence au marché noir disent qu'ils n'ont d'autre choix que de remettre les motos à leurs propriétaires. Certains pompistes interrogés disent qu'ils distribuent du carburant leur fournit et la question de la pénurie de l'or noir fréquemment rapportée serait à poser aux importateurs de ce produit. Les habitants de Rumonge qui se sont exprimés sur ce problème demandent au gouvernement burundais d'arrêter des mesures pérennisant la distribution d'essence et du mazout. Des produits une fois manqués entraînent la hausse des prix sur d'autres marchandises. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et un certain Léopold Nirameba a été retrouvé mort ce mercredi soir dans une maison provisoirement érigée dans une propriété familiale sur la colline Bihanga, commune de Matana de la province Bururi. L'administration et la police à Matana confirment l'information et la piste d'un conflit foncier autour de cette propriété litigieuse. Derrière ce meurtre est en train d'être exploité. Les quartiers Gasekibouye et Gitaramuka de la zone Moussaga manquent d'eau. Certains habitants avancent que cette pénurie s'observe depuis le mois de juin, mais que depuis samedi, ils n'ont pas encore une goutte d'eau dans leur robinet. Ils demandent aux responsables de la régie des eaux de leur trouver une solution à ce problème. Ornella Mucho. Plus précisément, à la deuxième avenue au quartier Gasekabuye et Gitaramuka de la zone Moussaga, il y a un alignement des bidons suite à son manque d'eau. L'un des habitants de cette localité avance qu'il mène une vie difficile puisque, disent-ils, l'eau est indispensable dans toutes leurs activités au quotidien. Le problème est que nous n'avons pas de l'eau ce mois de juin, mais au mois de mai. Nous avons eu au moins deux semaines, l'eau était à temps plein, mais pour le moment, nous n'avons pas de l'eau. Et je ne sais pas un problème qui est dans la société des eaux. Des habitants de cette localité disent avoir la crainte d'attraper la maladie liée au manque d'hygiène puisqu'ils viennent de passer 4 jours d'affilée sans avoir une goutte d'eau. Ils demandent aux responsables de prendre en main cette question dans le meilleur délai. L'eau est toujours nécessaire dans la vie quotidienne pour faire la lessive, pour faire cuire le repas, pour faire la propriété dans les toilettes ou aux alentours aussi. Et aussi, nous avons un problème, nous achetons un bidon à 300 francs. C'est tellement beaucoup avec la vie que nous menons. Et nous demandons à nos autorités de pouvoir nous aider à trouver de l'eau facilement. La population de cette localité souligne que cette pénurie d'eau s'est aggravée depuis la coupure du tuyau suite au ravin qui s'est produit à Kinanira 2 au quartier communément appelé Tchétchénie. Les habitants de la colline Karama de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura demandent que la sécurité soit renforcée sur cette colline. Et c'est après que depuis ces 3 dernières semaines, un groupe de bandits qui attaque les passagers pendant les heures avancées ait été signalé dans cette localité. Laurent Nimirangeza, assistant du chef de quartier, fait savoir que le non-éclairage de cette localité est l'un des facteurs de cette recrudescence du banditisme. On fait le point avec M. Richard Niyonguru. Ces habitants de la colline Karama, de la zone Rubirizi, en commune Mutimbuzi, de la province Bujumbura, disaient que ça fait déjà 3 semaines que ces bandits ont commencé à commettre de tels forfaits, même s'ils ignorent leur provenance. Ils demandent que la sécurité soit renforcée dans cette localité, d'autant plus que cela se passe à moins de 100 mètres d'une position policière. Jusqu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas, je dirais, cette bande de malfaiteurs qui aux environs de 21h, de 20h à 21h. Ce qui nous étonne fort, nous habitons à près d'une centaine de positions de police. Donc nous avons signalé ça même au chef de quartier, il est au courant. Il nous a dit de collaborer avec les instances habilitées pour traquer ces bandits. Mais jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore eu de la sécurité parce que nous rentrons au plus tard à 18h, 19h à cause de la crainte de cette insécurité de ces gens qui ont commencé de perturber la sécurité dans notre quartier Karama. Laurent Nimirangeza, l'assistant du chef de colline Karama, recommande à sa population d'être toujours vigilant, car, dit-il, la sécurité est une affaire de tous. Il précise néanmoins que le non-éclairage de cette localité est aussi un facteur qui favorise ces forfaits. Première chose que nous avons toujours sollicité auprès des instances hiérarchiques, c'est l'éclairage dans notre quartier. Ça pourrait réduire ces cas de vol parce que ces bandits profitent souvent de l'obscurité qui règne ici. C'est leur endroit préféré. Ils se cachent ici et personne ne les voit pas. Toi, tu rentres comme à la normale et à la grande surprise, tu te trouves dans les mains de ces bandits. Ce que nous demandons à la population, c'est d'être vigilant, car la sécurité est une affaire de tout le monde. Et quand elle aperçoit des gens qui inquiètent, ils doivent aviser les responsables pour trouver la solution. Sur ce sujet, Simeon Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Merci Richard. La commission onusienne d'enquête sur le Burundi appelle la communauté internationale à la vigilance pendant la préparation des élections de 2020. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ce mardi, Dodo Diène, président de cette commission, a expliqué qu'il ne peut pas y avoir d'élections crédibles lorsqu'il y a présence d'intolérance politique caractérisée par des violations des droits de l'homme. Ces experts onusiens affirment que les organisations de la société civile sont neutralisées au Burundi, voire fermées, ce que le représentant du Burundi au Conseil des droits de l'homme à Genève rejette en bloc. Elie Nibel, Nibigira. La commission appelle à la vigilance de la communauté internationale. Dodo Diène, président de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi, a part demandé à la communauté internationale de suivre de près la préparation des élections de 2020. Il exhorte le gouvernement burundais de prendre des mesures contraignantes pour instaurer un climat politique apaisé afin d'obtenir des élections démocratiques. Dans le cas contraire, cette commission d'experts prévient des violations graves des droits de l'homme au cours des échéances électorales de 2020. Il ne peut y avoir d'élection juste lorsque l'intolérance politique est manifeste et se concrétise dans de multiples violations des droits fondamentaux des membres des partis d'opposition. La commission appelle à la vigilance de la communauté internationale quant à la préparation et la tenue des élections de 2020. De plus, cette commission craint que les prochaines élections ne soient pas indépendantes. Dodo Diène donnait l'exemple des organisations non gouvernementales, des confessions religieuses et la presse qu'il dit être neutralisée. Le cas le plus plus parlant, selon son président de la commission de l'ONU chargée d'enquête sur le Burundi, c'est la fermeture du bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi. Il ne peut y avoir d'élection transparente lorsque les libertés politiques publiques ne sont plus que théoriques et que les témoins et observateurs indépendants, comme la presse et les organisations non gouvernementales, sont progressivement neutralisés, exclus ou interdit au Burundi. La fermeture du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme atteste éloquemment de cette situation. Toutefois, le représentant du Burundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève parle de mensonges. Ambassadeur Renova Tabu affirme que les élections de 2020 sont en cours de préparation suivant une feuille de route et préparées par une commission nationale opérationnelle. Merci Nibel. Les Nations Unies toujours dans l'actualité sur Isanganiro. Les Nations Unies ont fixé le mois de décembre 2021 comme la date à laquelle la MISOM quittera la Somalie pour laisser place à l'armée somalienne. Dans une déclaration de ce 3 juillet, le représentant spécial de l'Union africaine en Somalie a précisé que depuis fin avril 2018, un plan de transition pour la Somalie a été approuvé. L'ambassadeur Francisco Madeira rappelle que la MISOM a déjà procédé à une nouvelle réduction de 1000 soldats au mois de février de cette année. Mireille Kanyangé nous fait le contenu de cette déclaration. Dans cette déclaration, l'ambassadeur Francisco Madeira affirme que le plan de transition pour la Somalie a été approuvé le 30 avril de l'année dernière par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est un plan de transfert des responsabilités en matière de sécurité aux forces de sécurité somaliennes avant le retrait de toutes les troupes en mission de maintien de la paix en Somalie, telle que fixée par l'ONU. Cet ambassadeur rappelle que les opérations de la MISOM sont guidées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que le Conseil de sécurité des Nations unies, d'où la MISOM a réduit le nombre de ses troupes depuis décembre 2017. Des changements positifs sur le front de la sécurité, poursuit cette déclaration, ont été enregistrés l'année passée, à telle enseigne que les forces de sécurité somaliennes ont prouvé leur croissante capacité en attaquant, libérant et gardant le contrôle du territoire. À titre d'exemple, c'est la libération de Sabide et Baril, bastion pendant ces temps des terroristes. Ce représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie salue l'action des partenaires, notamment l'Union européenne, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et souligne qu'il y a eu une nouvelle réduction de 1000 soldats en février de cette année. Selon toujours cette déclaration, ce retrait signifie que la MISOM devra céder certaines de ses bases d'opération. C'est notamment l'université de Mogadiscio, le stade national de Mogadiscio et l'académie militaire Jaal Siyad. Dans un nouveau concept d'opération 2018-2021, la MISOM démolira certaines bases d'opération ou les remettra aux forces de sécurité somaliennes. C'est déjà dans l'état de Jubaland où la MISOM a remis la base de Viaf Mado aux forces de sécurité de Jubaland. Selon toujours ce communiqué, l'ambassadeur Francisco Madeira estime que d'ici 2021, les forces de sécurité somaliennes seront prêtes à assumer pleinement les responsabilités en matière de sécurité dans le pays en remplacement de la MISOM. Merci Mireille Kanyang. Il est 13h15 à Bujumbura. En bref, pour nous séparer, les travaux de propreté seront désormais effectués chaque jeudi au bord du lac Tanganyika. Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions l'a dit ce jeudi après les travaux d'arrachage de la jacente d'eau à l'endroit communément appelé Kumasi. Et dans le but de protéger le lac Tanganyika, le ministre Deogi Derurema a précisé que son ministère compte démarrer le projet de culture des légumes au bord du lac Tanganyika. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimana.